des milliers d'années, au cœur des contrées mystiques, se trouvait la cité légendaire de Gwer City. Fondée en 544 avant Jésus-Christ, par une tribu de sages chamans en quête de paix et d'harmonie. Selon la légende, leur chef, le vénérable Gwer, reçut une vision divine qui leur montra l'emplacement béni où la cité sacrée devait voir le jour. Mais au fil des âges, cette cité fut assombrie par le voile de la criminalité. Les ruelles autrefois lumineuses devinrent sombres, théâtre de guerre entre gangs et criminels avides de pouvoir. Mais le souvenir des héros... Bon, je vous dis si je me fais chier, hein. Bon, allez, vas-y, c'est bon, il me casse les couilles, là. C'est trop nul.